Regardez le film dramatique Spinning Man sur la diffusion de papier qui est dirigé par Simon Keizé. Evan Birch est un homme de famille et professeur estimé dans un collège distingué, où son charme et sa réputation ont rendu son cours de philosophie très populaire.